puis tout à coup, « Mais, grand Dieu, qu'avez-vous donc ?» Il crut qu'elle se trouvait mal. Elle était devenue subitement d'une pâleur de marbre, et son œil s'était tendu dans l'espace comme sur une effrayante apparition. M. de Lerne se détourna brusquement et aperçut M. de Montrescan arrêté à l'entrée de la serre dans le cadre de la porte. Il les regardait fixement, et ses yeux, ses traits enflammés, témoignaient une telle démence de colère que M. de Lerne se leva aussitôt, s'attendant à quelque acte immédiat de violence. M. de Montrescan s'avança vers eux, à pas lents, luttant évidemment contre un déchaînement de passion presque irrésistible. Toutefois, chemin faisant, sous le coup des regards qui s'attachaient sur lui de toutes parts, et sous l'impression du silence qui se fit soudainement dans le salon, il parvint à se maîtriser à demi. Et, arrivé devant sa femme, il lui dit simplement d'une voix rauque et sourde « Votre fils est malade. Venez. » Jeanne poussa un léger cri. « Mon Dieu !» Elle lui adressa quelques questions précipitées, mais, comprenant vite à son air et à l'embarras de son langage que la maladie de l'enfant n'était qu'un prétexte, elle le suivit sans ajouter un mot. M. de Montrescan, après avoir fait dans la soirée une apparition à l'opéra, était revenu à son cercle. Il y avait été informé par hasard de la présence du comte de Lerne au bal des Dermany. Il savait que sa femme y devait aller. Il n'avait aucune délicatesse dans l'esprit, n'en ayant aucune dans le cœur, et il ne soupçonna pas même les motifs honorables qui avaient dicté la conduite de M. de Lerne. Il n'y vit qu'une insolente bravade dont sa femme était complice, et il se rendit aussitôt à l'hôtel Dermany, sans aucun projet déterminé, mais emporté par un mouvement de haine et de fureur qui ne devait reculer devant aucune extrémité, pas même devant un scandale public. Comme on l'a vu, grâce à une lueur suprême de réflexion et de raison, le scandale ne fut pas éclatant. Tel qu'il fut toutefois, il suffit pour flétrir à jamais, en une minute, l'honneur de sa femme et le sien.